Chapitre 5e. La maison dans laquelle Gaston de Pontperran voulait mettre le colonel en relation avec quelques-unes de ses amies était celle de Mademoiselle Françoise Urpin, connue au théâtre et dans le monde parisien sous le nom de Raphaël, qu'elle s'était choisie comme plus décent et mieux fait pour la gloire. On pendait ce soir-là la crémaillère dans le nouvel appartement du boulevard Haussmann, que Raphaël venait de se faire donner par la société en commandite qu'il exploitait ou qu'elle exploitait, selon le sens que l'on voudrait attacher au mot, et l'on devait rencontrer dans ses salons, en hommes et en femmes, une partie de ce qu'on est convenu d'appeler tout Paris. De là l'empressement avec lequel on avait recherché les invitations qui avaient été peu nombreuses au moins pour les femmes. Après le théâtre, Gaston de Pontperran fit monter le colonel en voiture et bientôt on arriva au boulevard Haussmann. « Vous savez, n'est-ce pas, dit Pontperran, que je vous conduis dans un monde assez mélangé ?» Bien entendu, je parle des hommes, car pour les femmes, elles se valent tout ou à peu près. Autant que possible, je vous ferai connaître ceux avec qui vous allez vous rencontrer. Mais comme les simples noms ne vous diront pas toujours ce qu'il est bon de savoir, comme, d'un autre côté, je ne pourrai pas toujours vous avertir, enfin, comme nous sommes exposés à trouver des étrangers qui en ce moment affluent à Paris et que je ne connais pas, je vous prie de prendre bonne note d'une indication que je vais vous donner. Je n'avoue pour mes amis et par conséquent, je ne recommande à votre confiance que ceux qui m'appelleront par mon prénom ou que j'appellerai moi-même par le leur. Quant aux poignées de main, quant aux témoignages de politesse, n'y attachez aucune importance. Lorsqu'on vous entendra m'appeler Gaston et lorsqu'on m'entendra vous donner le nom d'Édouard, mes amis sauront ce que cela signifie. Je m'en souviendrai. Je vous remercie. Maintenant une question. Êtes-vous toujours le beau joueur que j'ai connu ? Lorsque je n'avais que la pension que mon père me faisait, la grosse pension, il est vrai, le gain et la perte, me donnaient des émotions que je n'éprouve plus maintenant. Aussi ai-je pu jouer en ces derniers temps. Cependant, si l'on m'invite à me mettre à une table de jeu, je ne refuserai pas. Je ne veux pas que vous ayez à rougir de moi. Seulement, je suis sans argent. On vous en donnera. J'aimerais mieux envoyer un mot à Horace qui m'en apportera. L'hôtel n'est pas éloigné, ce sera vite fait. Il est mon intendant et mon caissier. Le plus grand nombre des invités de Mademoiselle Raphaël étaient déjà arrivés lorsque le colonel et Gaston de Pontperran entrèrent dans le salon. Au mouvement qui se fit et aux yeux curieux qui se fixèrent sur lui, le colonel comprit qu'il était attendu avec une curiosité qui déjà au théâtre lui avait été fort désagréable. Vivement, la maîtresse de la maison fit quelques pas au-devant de lui, la main tendue, comme si elle recevait un ami. Puis, après quelques paroles de politesse plus intimes qu'il ne convenait en réalité avec un inconnu, elle le força de prendre place près d'elle. Les conversations avaient cessé. Tous les regards étaient ramassés sur le colonel. Dans les coins du salon et dans les embrasures des fenêtres seulement, on parlait à voix basse et on se communiquait ses observations sur le Yankee. Près de lui, on se taisait, on regardait et on attendait. On n'eût pas reçu un roi avec plus de déférence. Le silence devenant embarrassant, Raphaël le rompit. « Eh bien, monsieur le colonel, êtes-vous content de votre soirée ? » demanda-t-elle. « On dit que c'est un succès. » Ordinairement, lorsqu'une pareille question est posée, il y a 10 voix pour répondre. « C'est un grand succès. C'est une ordure. Ça ne fera pas le sou. » Car les nouvelles de théâtre se propagent à Paris, surtout dans ce monde avec cette rapidité électrique. Qu'on donne une première au gymnase, aux variétés, au palais royal, ce qu'on appelle une grande première le soir même dans le faubourg Saint-Honoré, aux Champs-Élysées, à Montmartre, dans le centre de Paris comme aux extrémités, il y a tout un public qui sait si la pièce a réussi ou si elle est tombée. Et cette opinion, qui ne s'appuie pas sur des raisons esthétiques, qui devance la critique de 8 jours, est presque toujours la bonne. Les journaux auront beau faire et démontrer que la pièce est exécrable, si ce public a dit et répété que c'était un succès, c'en est un. Au moins de vogue et d'argent. On attendait la réponse du colonel, car on était curieux de l'entendre parler. Avait-il de l'accent ? Et puis qu'allait-il dire ? Avait-il de l'esprit ou bien n'était-ce qu'un grossier marchand ? Les colonels américains, qu'est-ce que c'est ? Des majors de table d'hôte. Quant à sa personne, on l'avait déjà examiné et jugé. C'est un bel homme. Un fantoche militaire. Trop de cheveux. Des yeux superbes. Un tempérament. Chacun s'était prononcé, en se plaçant bien entendu à des points de vue différents. selon qu'on était homme ou femme et qu'on parlait sans parti pris, avec ou sans jalousie, sans envie. Enfin, le colonel leva la main, il allait parler. « Soirée charmante, dit-il. Pour moi, la pièce est une des plus gaies que j'ai vues. C'est un succès, n'est-ce pas ? Sur cela, je ne saurais me prononcer. Je ne sais pas ce qui constitue un succès à Paris. Je suis un Huron. » Il n'avait pas d'accent. Il parlait comme tout le monde. Sa voix était bien timbrée, ni trop claire, ni trop sourde. « Est-ce que M. le colonel Chamberlain n'a pas été choqué, lui, un militaire, des plaisanteries plus que vives qui sont dirigées contre les militaires ? Je n'ai vu que le premier acte. Il y a là un général qui se montre bien ridicule. » Celui qui avait fait cette observation, en s'avançant de deux ou trois pas dans le cercle formé autour du colonel, était une sorte de colosse portant sur son habit une chaînette de décoration et s'exprimant lentement, gravement, avec un accent allemand. « Ce sont précisément ces plaisanteries, répondit le colonel, qui m'ont le plus diverti. Et tel est l'esprit des auteurs, leur habileté, leur légèreté de touche, qu'un militaire qui voit leurs pièces ne peut que rire de leur général, de même qu'un diplomate doit s'amuser de leur diplomate. Il me semble que si j'étais prince, je prendrais un plaisir extrême à cette parodie d'une petite cour. « Très fin, dit une voix. En même temps, celui qui avait parlé salua le colonel de la main. « Bravo, continua-t-il, on ne saura mieux dire, c'est cela même. » Celui qui applaudissait ainsi, comme s'il tenait à se mettre en avant et à se faire connaître du colonel, était un homme de 58 à 60 ans, à barbe noire, beaucoup trop noire, à physionomie souriante et caressante, s'exprimant avec un accent italien très prononcé. Quelques personnes entrèrent dans le salon et vinrent serrer la main de Raphaël. Le colonel profita de ce mouvement pour quitter la place en vue qu'il occupait et rejoindre son ami. « Eh bien, » dit celui-ci en l'emmenant dans un petit salon, « vous voyez, mon cher Édouard, quel est votre prestige ? Vous a-t-on reçu en épicier, comme vous vous qualifiez, ou bien en puissant de la terre ? Oh, dans ce monde, je ne dis pas que nous soyons dans le meilleur, mais nous ne sommes pas non plus dans le pire. Avez-vous vu l'effet que vous produisez sur les femmes ? Vous n'avez qu'à jeter votre mouchoir si le caprice vous en prend. Il n'y en a pas une, ici, qui ne soit prête à se précipiter à plat ventre, ou à marcher les pieds en l'air, pour l'aller ramasser. À commencer par Raphaël, toutes n'attendent qu'un signe. J'avoue que je serais curieux de voir la jolie guerre que cela produirait. Tenez, regardez dans l'embrasure de la porte, quels yeux elles attachent sur moi. Avant le souper, toutes m'auront demandé de vous les présenter. Le puis-je ? Sans aucun danger. Elles ne vous plaisent point. Il ne leur manque qu'une chose pour être irrésistible, mais pour moi cette chose est décisive, la jeunesse. Est-ce que ces femmes d'un âge raisonnable ont pour unique fonction de montrer les bijoux qu'elles ont gagnés ? Il n'y a ici que des célébrités, et dans toutes les carrières il faut longtemps pour acquérir la gloire ou simplement se faire un nom. Alors c'est leur célébrité qui leur impose cette gravité. On dirait que nous sommes chez les puritaines, pas de gaieté, pas de laisser-aller. Je croyais le demi-monde plus amusant, en tout cas plus libre. Que fait-on ici ? Il y a un pianiste bien embarrassé devant son instrument. Quand il joue de la musique sérieuse, personne n'écoute. Quand il joue des valses ou des quadrilles, personne ne bouge. Encore un coup. Que fait-on ? Voulez-vous que nous partions ? Pas du tout, je ne me suis pas ennuyé. Je suis étonné, ce qui n'est pas la même chose. Et puis si les femmes me laissent indifférent, j'ai remarqué des hommes que je désire connaître. Je ne suis pas venu en France uniquement pour m'amuser, j'y suis venu aussi pour m'instruire. Une tête ravagée et vieillie ne produit pas le même effet sur les épaules d'un homme que sur celles d'une femme. Il me semble qu'il n'y a pas que des célébrités féminines ici. Mais d'abord, dites-moi donc, je vous prie, quel est ce personnage à l'accent allemand qui a paru surpris que j'ai ri des plaisanteries dirigées contre les militaires, et cet autre, aux manières italiennes, qui s'est cru obligé de me couvrir de son approbation ? Deux célébrités, précisément. L'une est le baron Lazarus, un financier, un agent politique, diplomatique, je ne sais trop. En tout cas, un homme plein d'activité, d'habileté, de finesse, de ruse. Sous son apparente placidité, il a des affaires partout, à Francfort, à Vienne, à Berlin, à Paris, à Londres. Et partout, il y mène avec lui une fille ravissante, sa fille Ida, le type de la poésie allemande. L'autre est le prince Mazzazzoli, un Italien, un faiseur ruiné, qui a lancé de grandes entreprises pendant les premières années de l'Empire et qui, malgré son astuce, s'est laissé rouler par ses associés. Aujourd'hui, il ne compte plus pour se refaire que sur une nièce, qui est une merveille. Si la brune Carmelita n'épouse pas un empereur, un grand-duc ou un roi de la finance, le prince Mazzazzoli est un homme à la mer. Je trouve très caractéristique la façon dont il a voulu se faire remarquer de vous. Défiez-vous de lui. Pourquoi donc ? Mais Pompérant ne put pas répondre. Plusieurs de ses amis s'étaient approchés, et il avait dû abandonner les confidences intimes pour le cérémonial des présentations. En quelques instants, le colonel avait entendu une dizaine de noms qu'il était habitué à lire dans les journaux de sport et de high life. Le duc de Charmont, Chico Paluel, Saint-Austrebert, Despoudélian, Dipréau, Montévreau, et la conversation était devenue générale entre ces hommes du même monde, parmi lesquels quelques-uns, le duc Dipréau, Despoudélian, Montrébeau, de Pompéran, se traitaient en amis. Tout à coup, il se fit un mouvement dans le grand salon. « Ah, voici Amenzaga qui arrive, » dit Gaston. Puis, se tournant vers le colonel, « Vous vous plaignez, mon cher Édouard, de la froideur de cette soirée. Il est possible que vous vous plaigniez bientôt de sa chaleur. Amenzaga est l'artificier qui va allumer l'incendie. Je parie 25 louis qu'avant 5 minutes, on va jouer un jeu d'enfer. Pourquoi a-t-on invité cet individu ici ? Demanda le duc de Charmont. Il va partout, répondit Saint-Austrebert. Si c'est une raison pour vous, mon cher vicomte, répliqua le duc, ce n'en est pas une pour moi.